Bitcoin BASI 2, échangeabilité. L'argent prend de la valeur par l'obligation d'échanger. Les euros en espèces sont acceptés par les banques nationales et centrales à leur valeur nominale. Cette obligation permet aux commerçants d'accepter le papier-monnaie. Avec un digital euro, ou CBDC, cette obligation est perdue. La valeur peut disparaître, diminuer ou même avoir une date d'expiration ou un objectif final spécifique intégré. Cela va au cœur de ce qu'est l'argent. Contrairement à l'euro, l'obligation d'échangeabilité de Bitcoin est étayée par la perfection mathématique. Cela signifie que la valeur Bitcoin peut être échangée à tout moment, n'importe, sans intermédiaire, banque, État, politiciens ou entreprises imposant des conditions supplémentaires. Il est vérifiable et traitable indépendamment selon les mêmes règles. Cela fait du Bitcoin un moyen de paiement précieux.